demandé parfois si je me suis pas trompé d'endroit. C'est ça, je me demande parfois, putain, qu'est-ce que je peux bien foutre là. Sujet sensible ou politique, ça me passe au-dessus, je sais pas pourquoi. Je m'intéresse pas toujours à ce même blabla. Toujours à ce même blabla. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter? Puis après ça, y'a rien à faire que de s'emmerder la tête en l'air. C'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux faire. On serait partant, du moins j'espère, pour se la coller du mois de mai jusqu'en hiver. De se la coller jusqu'en hiver. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter? Puis après ça, y'a rien à faire que de s'emmerder la tête en l'air. C'est ce que je peux faire. Alors je préfère en rigoler, rien que me marrer et déconner. Sans accessoires, la tête en l'air, c'est ce que je préfère.